kill pousse l'empire. Bitume chaud, pneu en feu. Chaque virage éclaire mes yeux. Les viewers crient, vos mains s'agrippent. Chaque drift frappe, personne n'esquive. Chaque virage devient danger. Vos mains tremblent, vos voix s'élancent. Chaque instant nourrit la transe. Rider skill marque vos esprits. Chaque flow trace un infini.